Nicolas Confucius. Pas un homme Confucius. J'en plus des DEG comme Gaspard, après un bon genre plus. Donc, c'est pour ces boys dérange le système, j'encule fix pen, j'ai pas old school. Fox school, j'pars avec Bush à Moscou, j'pense à un ginseng. J'ai trop pésienne, moi j'veux tuer Ron Preston. J'aime beaucoup les collégiennes, surtout quand elles font les vols. 9 en thème, j'suis sur l'antenne et j'ai pu trouver tous les codes. J'passe une soirée avec un goofy qui dit qu'il connaît tous les drones. Toi, lâche un couplet de folle. Petit Souxane dans un quartier de bourge, je viens de la reine. 434, là où les coupes marchent sur les yeux. Hein, fais pas des signes de gang, appelle le 26. Yeah, j'aime Roxy, elle est fancy. J'ai tout pour être Lancaster et MM6. Au même prix, c'est un vrai signe. Tout en sous-son comme la Corée, pour faire l'argent ça vend doré. Ça, on n'est pas là pour décorer. La première place, c'est sûr que je l'aurai. Tout en sous-son comme la Corée, pour faire l'argent ça vend doré. Ça, on n'est pas là pour décorer. La première place, c'est sûr que je l'aurai. J'ai caché dans ma polaire, j'ai tout ce qu'il faut dans le capteur comme un dollar. J'ai tout ce qu'il faut, le taga et le pollen. J'ai tout ce qu'il faut pour faire un masse de dollars. J'ai tout ce qu'il faut bien caché dans ma polaire. J'ai tout ce qu'il faut dans le capteur comme un dollar. Et voilà les baguettes, là j'peux plus tolérer. Si tu vas faire ça, va te faire un dollar. Grave, comme Bachar j'grain. L'iné tous en plage épouvantable. Ma carte Uganda, ça érupe tous les soirs. Ma vie des choix, et ton peur à me déçoit. Boy, j'connais les soirs. Les extas tous les soirs. J'suis pas le thug, non j'joue pas l'ascar. Wa, j'te commande en Alaska. Moi j'veux rien d'autre que l'ascar. Ça tue le gaz, t'es pas stable. Tu finis détestable, le gesta. Que tu vas faire, y'a longtemps qu'on l'a déjà fait. J'ai jusqu'à dire que chez toi ça tire. Fuck les fanatiques, tu tombes à pic. Wow, je veux saphir. Le vin s'affine, moi je veux la fibre. Wow, moi je veux monnaie, je veux saphir. Le vin s'affine, moi je veux la fibre. Wow, je veux saphir. Le vin s'affine, moi je veux la fibre. Wow, moi je veux monnaie, je veux saphir. Le vin s'affine, moi je veux la fibre. Tout en sous-son comme la Corée, pour faire l'argent ça vend doré. Ça, on n'est pas là pour décorer. La première place, c'est sûr que je l'aurai. Tout en sous-son comme la Corée, pour faire l'argent ça vend doré. Ça, on n'est pas là pour décorer. La première place, c'est sûr que je l'aurai. Bien caché dans ma polaire, j'ai tout ce qu'il faut dans le capteur comme un dollar. J'ai tout ce qu'il faut, le taga et le pollen. J'ai tout ce qu'il faut pour faire un masse de dollars. J'ai tout ce qu'il faut bien caché dans ma polaire. J'ai tout ce qu'il faut dans le capteur comme un dollar. Et voilà les baguettes, là j'peux plus tolérer. Si tu vas faire ça, ma tête des gains de dollars. Ah, maintenant c'est comme ça. Ça parle mal, ça fait comme si j't'écoute, le terre se consume. Je suis le médecin, tu veux consulter. Face à mon clan, tu vas buter. Je me sens pas bien quand j'ai buté. Putain, dans les poches, pas de quoi faire un. Des fois, j'avoue, je fais le feignant. Linné Sprite, pas de nouveau mélange. Fonce des dry. Cette pute veut sa séance. De sexe intensif, je me montre inventif. Prends son pied, elle kiffe. Prends son pied, elle kiffe. Elle me trouve mignon, roule un même pilon, chargé comme bison. Je suis dans la maison, nique tes réseaux, dans le ciel comme peso. Distribue tes PC sur tous les fessiers, car la pas tu fais chier. Ramène donc mon paille, je me sens chez moi où que j'aille. Tout en sous-son comme la Corée, pour faire l'argent ça vend doré. Ça, on n'est pas là pour décorer, la première place c'est sûr que je l'aurai. Tout en sous-son comme la Corée, pour faire l'argent ça vend doré. Ça, on n'est pas là pour décorer, la première place c'est sûr que je l'aurai. J'ai tout ce qu'il faut bien caché dans ma polaire, j'ai tout ce qu'il faut dans le capteur comme un dollar.